N'ayez pas peur. Apophis est certes un astéroïde actuellement assez dangereux, mais nous sommes quasi sûrs qu'il n'impactera pas la Terre, ni le 13 avril 2029, ni en mars 2036. Mais il est vrai qu'il passera très près de nous et repasse inéluctablement. Apophis est un astéroïde géocroiseur. Il a été découvert il y a à peine 10 ans, en 2004. Et au moment de sa découverte, alors qu'on ne connaissait encore que très mal ses caractéristiques, la probabilité de collision avait été estimée à 2,7% pour son passage de 2029. Un risque énorme. Mais on en sait maintenant plus sur Apophis, et la probabilité d'impact, que ce soit pour 2029 ou 2036, est maintenant réduite à des pouillèmes de pouillèmes, pour ne pas dire que c'est impossible. Mais il est vrai qu'en 2029, notre cher astéroïde passera moins loin que certains de nos satellites géostationnaires, qui se trouvent à 36 000 km d'altitude. Étant donné qu'Apophis est aujourd'hui l'un des corps les plus dangereux pour l'humanité, dans un avenir à moyen terme, il est important de le connaître parfaitement, ne serait-ce que pour pouvoir affiner au maximum les calculs de sa trajectoire. Pour pouvoir faire ces calculs, nous avons besoin de connaître de nombreuses caractéristiques, car le mouvement d'un astéroïde ne dépend pas uniquement de sa masse et des lois de la gravitation. Ce serait trop simple. L'effet non gravitationnel le plus important sur un astéroïde de ce type est l'effet Yarkovsky, qui est le recul produit par la réémission de chaleur qui est emmagasinée après l'éclairement solaire, et qui induit une quantité de mouvement additionnelle au niveau de la surface de l'objet, qui peut devenir suffisamment importante pour modifier la trajectoire de plusieurs centaines de mètres, tout de même. En outre, la connaissance de la structure d'un tel astéroïde est non seulement nécessaire pour calculer finement sa trajectoire, mais aussi pour évaluer quel serait son effet si jamais, je croise les doigts, il venait à impacter la Terre dans quelques centaines d'années. Et c'est pour tenter d'en savoir beaucoup plus sur Apophis et dans cet objectif qu'une équipe d'astronomes allemands a utilisé le télescope infrarouge Herschel pour observer dans le détail Apophis lors de son dernier passage au plus près de nous l'année dernière. Ils viennent de publier leurs résultats dans Astronomy and Astrophysics, et cette étude montre, par exemple, une réévaluation de la masse et la taille du monstre. Apophis est un dieu égyptien et signifie aussi géant. Apophis a une forme allongée, mais son diamètre moyen est, d'après ses dernières mesures, revu à la hausse de 375 mètres, plus ou moins 12 mètres. La masse évaluée à partir d'une hypothèse sur sa densité et sa porosité, entre 30 et 50%, est comprise entre 44 et 62 millions de tonnes. C'est un beau caillou. Disons-le tout de suite pour ne pas y revenir, l'énergie de son impact potentiel, calculée par les auteurs, à partir de sa masse, serait de l'ordre de 375 mégatonnes de TNT. Ce qui apparaît intéressant, surtout, c'est que Apophis ressemble beaucoup sur plusieurs points à un autre astéroïde que l'on connaît mieux. Il s'appelle Itokawa. Ils ont une taille très similaire, ainsi qu'un albédo, c'est-à-dire le pouvoir de réflexion, identique, qui vaut 0,30, et une inertie thermique également très proche. On connaît bien la porosité et la densité de Itokawa, respectivement 41% et 1,9%. Alors que ce sont encore des inconnus pour Apophis. Les astronomes allemands ont donc considéré qu'Apophis devait avoir une densité et une porosité semblables à celle de Itokawa, et c'est ainsi qu'ils ont calculé sa masse, qui reste toutefois incertaine d'un facteur 2. Autre information qui peut être cruciale, Itokawa est un corps pas complètement monolithique. En fait, il s'agit d'un agglomérat de débris coalescents. Et le comportement d'un objet aggloméré qui entre dans l'atmosphère est très différent a priori de celui d'un corps monolithique, surtout quand il fait une cinquantaine de millions de tonnes. Il doit tendre à se disloquer en une multitude de morceaux, ce qui peut le rendre bien moins dangereux d'ailleurs. Les auteurs de l'étude pensent que le plus probable est que Apophis est du même genre. Il se pourrait même que l'astéroïde se disloque par effet de marée en passant de nombreuses fois près de la Terre. Ah, et je vous vois déjà vous demander ce qui arriverait si on se retrouvait non plus avec un seul gros astéroïde, mais avec une dizaine de petits morceaux de 30 mètres chacun, croisant l'orbite de la Terre. Ce qui est sûr, c'est qu'un tel scénario n'a pas encore été imaginé et n'est de toute façon pas prédictible, à moins de se pencher encore davantage sur ce caillou pour tout savoir sur lui. Pour conclure, l'équipe qui publie son étude aujourd'hui montre que l'on peut apprendre beaucoup, beaucoup sur les astéroïdes géocroiseurs en les observant. La NASA s'est d'ailleurs lancée dans un vaste programme de détection d'astéroïdes géocroiseurs. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment vous faire peur, du moins pour vos descendants en tout cas, ce n'est sûrement pas d'Apophis qu'il faudrait s'effrayer, mais peut-être des dizaines d'objets ayant une probabilité d'impact plus grande que la sienne. Hein. 5,7 10 moins 6 quand même. Disons plus grande que 0,01%. Hein, 10 moins 4. Et qui sont parfois assez gros. Que la NASA a déjà listé, hein, et surveille comme le lait sur le feu, sans compter ceux qui n'ont encore jamais été détectés. Regardez plutôt cette page ci-dessous là que je vous donne. Et surtout la colonne Impact Probe pour la probabilité et Estimated Diameter pour la taille exprimée en kilomètres. Hein? Et on en reparle. Vous retrouverez l'article de Astronomy and Astrophysics qui s'appelle Thermal Infrared Observations of Asteroid 99942 Apophis with Herschel. La page consacrée au programme de détection des astéroïdes géocroiseurs de la NASA et quant à elle, neo.jpl.nasa.gov/risque.